Josué chapitre 21. Or les chefs des pères des Lévites vinrent à Éléazar le sacrificateur, et à Josué, fils de Nun, et aux chefs des pères des tribus des enfants d'Israël, et leur parlèrent, à Silo dans le pays de Canaan, en disant, « L'Éternel a commandé par le moyen de Moïse, qu'on nous donnât des villes pour habiter, et leurs faubourgs pour nos bêtes. » Et ainsi les enfants d'Israël, donnèrent de leur héritage aux Lévites, suivant le commandement de l'Éternel, ces villes-ci avec leurs faubourgs. Et on tira au sort pour les familles des Kehathites. Or il échut par sort aux enfants d'Aaron le sacrificateur qui était d'entre les Lévites, 13 villes, de la tribu de Juda, et de la tribu des Siméonites, et de la tribu de Benjamin. Et il échut par sort au reste des enfants de Kehath 10 villes des familles de la tribu d'Ephraïm, et de la tribu de Dan, et de la moitié de la tribu de Manassé. Et les enfants de Gerson eurent par sort 13 villes, des familles de la tribu d'Issacar, et de la tribu d'Azé, et de la tribu de Nephtali, et de la demi-tribu de Manassé en Basan. Et les enfants de Merari selon leur famille, eurent 12 villes, de la tribu de Ruban, et de la tribu de Gad, et de la tribu de Zabulon. Les enfants donc d'Israël donnèrent, donc par sort aux Lévites ces villes-là avec leurs faubourgs, selon que l'Éternel avait commandé par le moyen de Moïse. Ils donnèrent donc de la tribu des enfants de Juda, et de la tribu des enfants de Siméon, ces villes, qui vont être nommées par leur nom. Et elles furent pour ceux des enfants d'Aaron, qui étaient des familles des Kehathites, enfants de Lévi, car le premier sort fut pour eux. On leur donna donc Kirjat-Arba, or Arba était père de Anna, et Kirjat-Arba est Hébron, en la montagne de Juda, avec ses faubourgs tout alentour. Mais quant au territoire de la ville, et à ses villages, on les donna à Caleb, fils de Jéphuné, pour sa possession. On donna donc aux enfants d'Aaron le sacrificateur pour ville de refuge aux meurtriers, Hébron, avec ses faubourgs, et Libna, avec ses faubourgs. Et Jatir, avec ses faubourgs, et Estemoab, avec ses faubourgs, et Olon, avec ses faubourgs, et Débir, avec ses faubourgs, et Agin, avec ses faubourgs, et Juta, avec ses faubourgs, et Betsom, avec ses faubourgs, 9 villes de ces deux tribus-là. Et de la tribu de Benjamin, Gabaon, avec ses faubourgs, et Geba, avec ses faubourgs, Anatot, avec ses faubourgs, et Almon, avec ses faubourgs, 4 villes. Toutes les villes des enfants d'Aaron sacrificateur, furent 13 villes, avec leurs faubourgs. Or quant aux familles des enfants de Kehath Lévite, qui étaient le reste des enfants de Kehath, il y eut dans leur sort des villes de la tribu d'Ephraïm. On leur donna donc pour ville de refuge aux meurtriers, Sichem, avec ses faubourgs, en la montagne d'Ephraïm, et Gézé avec ses faubourgs. Équipsagim, avec ses faubourgs, et Bethoron, avec ses faubourgs, 4 villes. Et de la tribu de Dan, Elteke, avec ses faubourgs, Gibeton, avec ses faubourgs, Ajalon, avec ses faubourgs, Gatrimon, avec ses faubourgs, 4 villes. Et de la demi-tribu de Manassé, Taanak, avec ses faubourgs, et Gatrimon, avec ses faubourgs, 2 villes ainsi 10 villes en tout avec leurs faubourgs, furent pour les familles des enfants de Kehath, qui étaient de reste. On donna aussi de la demi-tribu de Manassé aux enfants de Gerson, qui étaient des familles des Lévites, pour ville de refuge aux meurtriers, Golan en Basan, avec ses faubourgs, et Destera, avec ses faubourgs, 2 villes. Et de la tribu d'Issacar, Kishon, avec ses faubourgs, Debrat, avec ses faubourgs, Jarmut, avec ses faubourgs, Anganim, avec ses faubourgs, 4 villes. Et de la tribu d'Azé, Miséal, avec ses faubourgs, Abdon, avec ses faubourgs, Elgat, avec ses faubourgs, Erob, avec ses faubourgs, 4 villes. Et de la tribu de Nephtali, pour ville de refuge aux meurtriers, Kedah en Galilée avec ses faubourgs, Amodor, avec ses faubourgs, et Cartan, avec ses faubourgs, 3 villes. Toutes les villes donc des Gersonites selon leur famille, furent 13 villes, et leurs faubourgs. On donna aussi de la tribu de Zabulon aux familles des enfants de Merari, qui étaient les Lévites qui restaient, Jokneam, avec ses faubourgs, Karta, avec ses faubourgs, Dana, avec ses faubourgs, et Nahalal, avec ses faubourgs, quatre villes. Et de la tribu de Ruban, Betsé, avec ses faubourgs, et Jaza, avec ses faubourgs, Kedemoth, avec ses faubourgs, et Mephaa, avec ses faubourgs, quatre villes. Et de la tribu de Gah, pour ville de refuge aux meurtriers, Ramoth-en-Galaa, avec ses faubourgs, et Mahanajim, avec ses faubourgs, Hesbon, avec ses faubourgs, et Jazé, avec ses faubourgs, en tout quatre villes. Toutes ces villes-là furent données aux enfants de Merari, selon leur famille, qui était le reste des familles des Lévites, et leur sort fut de 12 villes. Toutes les villes des Lévites qui étaient parmi la possession des enfants d'Israël, furent 48, et leurs faubourgs. Chacune de ces villes avait ses faubourgs autour d'elle, il en devait être ainsi de toutes ces villes-là. L'Éternel donc donna à Israël, tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père, et ils le possédèrent, et y habitèrent. Et l'Éternel leur donna un parfait repos tout alentour, selon tout ce qu'il avait juré à leur père, et il n'y eut aucun de tous leurs ennemis qui subsista devant eux, mais l'Éternel livra tous leurs ennemis en leurs mains. Il ne tomba pas un seul mot de toutes les bonnes paroles, que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, tout arriva.